Section 58 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e, section 58. Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Le broyeur de lin par Ernest Renan de l'Académie française. Chapitre 1. Tréguier, ma ville natale, est un ancien monastère fondé dans les dernières années du 5e siècle par saint Tudval ou Tual, un des chefs religieux de ces grandes émigrations qui portèrent dans la péninsule armoricaine le nom, la race et les institutions religieuses de l'île de Bretagne. Une forte couleur monacale était le trait dominant de ce christianisme britannique. Il n'y avait pas d'évêque, au moins parmi les émigrés. Leur premier soin, après leur arrivée sur le sol de la péninsule hospitalière, dont la côte septentrionale devait être alors très peu peuplée, fut d'établir de grands couvents dont l'abbé exerçait sur les populations environnantes la cure pastorale. Un cercle sacré d'une ou deux lieues, qu'on appelait le Minihi, entourait le monastère et jouissait des plus précieuses immunités. Les monastères, en langue bretonne, s'appellent pabus, du nom des moines, papé. Le monastère de Tréguier s'appelait ainsi Pabu Tual. Il fut le centre religieux de toute la partie de la péninsule qui s'avance vers le nord. Les monastères analogues de Saint-Paul de Léon, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, de Saint-Sanson, près de Dole, jouaient sur toute la côte un rôle du même genre. Ils avaient, si on peut s'exprimer ainsi, leur diocèse. On ignorait complètement, dans ces contrées séparées du reste de la chrétienté, le pouvoir de Rome et les institutions religieuses qui régnaient dans le monde latin, en particulier dans les villes gallo-romaines de Rennes et de Nantes, situées tout près de là. Quand Noé, au IXe siècle, organisa pour la première fois d'une manière un peu régulière cette société d'émigrés à demi sauvages et créa le duché de Bretagne en réunissant au pays qui parlait breton la marche de Bretagne, établie par les Carolingiens pour contenir les pillards de l'Ouest, il sentit le besoin d'étendre à son duché l'organisation religieuse du reste du monde. Il voulut que la côte du Nord eût des évêques comme les pays de Rennes, de Nantes et de Vannes. Pour cela, il érigea en évêché les grands monastères de Saint-Paul de Léon, de Tréguier, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, de Dole. Il eût bien voulu aussi avoir un archevêque et former ainsi une province ecclésiastique à part. On employa toutes les pieuses fraudes pour prouver que Saint-Sanson avait été métropolitain, mais les cadres de l'Église universelle étaient déjà trop arrêtés pour qu'une telle intrusion pût réussir, et les nouveaux évêchés furent obligés de s'agréger à la province gallo-romaine la plus voisine, celle de Tours. Le sens de ces origines obscures se perdit avec le temps. De ce nom de Pabu Tual, Papa Tual, retrouvé, dit-on, sur d'anciens vitraux, on conclut que saint Tudval avait été pape. On trouva la chose toute simple. Saint Tudval fit le voyage de Rome. C'était un ecclésiastique si exemplaire que, naturellement, les cardinaux, ayant fait sa connaissance, le choisirent pour le siège vacant. De pareilles choses arrivent tous les jours. Les personnes pieuses de Tréguier étaient très fières du pontificat de leur saint patron. Les ecclésiastiques modérés avouaient cependant qu'il était difficile de reconnaître dans les listes papales le pontife qui, avant son élection, s'était appelé Tudval. Il se forma naturellement une petite ville autour de l'évêché, mais la ville laïque, n'ayant pas d'autre raison d'être que l'Église, ne se développa guère. Le port resta insignifiant. Il ne se constitua pas de bourgeoisie aisée. Une admirable cathédrale s'éleva vers la fin du XIIIe siècle. Les couvents pullulèrent à partir du XVIIe siècle. Des rues entières étaient formées des longs et hauts murs de ces demeures cloîtrées. L'évêché, belle construction du XVIIe siècle, et quelques hôtels de chanoines étaient les seules maisons civilement habitables. Au bas de la ville, à l'entrée de la grande rue, flanquées de constructions en tourelles, se groupaient quelques auberges destinées aux gens de mer. Ce n'est que peu de temps avant la Révolution qu'une petite noblesse s'établit à côté de l'évêché. Elle venait en grande partie des campagnes voisines. La Bretagne a eu deux noblesses bien distinctes. L'une a dû son titre au roi de France et a montré au plus haut degré les défauts et les qualités ordinaires de la noblesse française. L'autre était d'origine celtique et vraiment bretonne. Cette dernière comprenait, dès l'époque de l'invasion, le chef de paroisse, les premiers du peuple, de même race que lui, possédant par héritage le droit de marcher à sa tête et de le représenter. Rien de plus respectable que ce noble de campagne quand il restait paysan, étranger à l'intrigue et au souci de s'enrichir, mais quand il venait à la ville, il perdait presque toutes ses qualités et ne contribuait plus que médiocrement à l'éducation intellectuelle et morale du pays. La Révolution, pour ce nid de prêtres et de moines, fut en apparence un arrêt de mort. Le dernier évêque de Tréguier sortit un soir, par une porte de derrière, du bois qui avoisine l'évêché et se réfugia en Angleterre. Le concordat supprima l'évêché. La pauvre ville décapitée n'eut pas même un sous-préfet. On lui préféra Lannion et Guingamp, ville plus profane, plus bourgeoise, mais de grande construction, aménagée de façon à ne pouvoir servir qu'à une seule chose, reconstitue presque toujours la chose pour laquelle elles ont été faites. Au moral, il est permis de dire ce qui n'est pas vrai au physique. Quand les crus d'une coquille sont très profonds, ces creux ont le pouvoir de reformer l'animal qui s'y était moulé. Les immenses édifices monastiques de Tréguier se repeuplèrent. L'ancien séminaire servit à l'établissement d'un collège ecclésiastique très estimé dans toute la province. Tréguier, en peu d'années, redevint ce que l'avait fait Saint-Udeval 1300 ans auparavant, une ville tout ecclésiastique, étrangère au commerce, à l'industrie, un vaste monastère où nul bruit du dehors ne pénétrait, où l'on appelait vanité ce que les autres hommes poursuivent et où ce que les laïcs appellent chimère passait pour la seule réalité. C'est dans ce milieu que se passa mon enfance, et j'y contractai un indestructible pli. Cette cathédrale, chef-d'œuvre de légèreté, folle essai pour réaliser en granit un idéal impossible, me faussa tout d'abord. Les longues heures que j'y passais ont été la cause de ma complète incapacité pratique. Ce paradoxe architectural a fait de moi un homme chimérique, disciple de saint Tudval, de saint Hiltult et de saint Cadoc dans un siècle où l'enseignement de ces saints n'a plus aucune application. Quand j'allais à Guingamp, ville plus laïque et où j'avais des parents dans la classe moyenne, j'éprouvais de l'ennui et de l'embarras. Là, je ne me plaisais qu'avec une pauvre servante à qui je lisais des contes. J'aspirais à revenir à ma vieille ville sombre, écrasée par sa cathédrale, mais où l'on sentait vivre une forte protestation pour tout ce qui est plat et banal. Je me retrouvais moi-même, quand j'avais revu mon haut clocher, la nef aiguë, le cloître et les tombes du XVe siècle qui y sont couchées. Je n'étais à l'aise que dans la compagnie des morts, près de ces chevaliers, de ces nobles dames, dormant d'un sommeil calme, avec leur levrette à leurs pieds et un grand flambeau de pierre à la main. Les environs de la ville présentaient le même caractère religieux et idéal. On y nageait en plein rêve, dans une atmosphère aussi mythologique au moins que celle de Bénarès ou de Jacanata. L'église de Saint-Michel, du seuil de laquelle on apercevait la pleine mer, avait été détruite par la foudre et il s'y passait encore des choses merveilleuses. Le jeudi saint, on y conduisait les enfants pour voir les cloches aller à Rome. On nous bandait les yeux et alors il était beau de voir toutes les pièces du carillon par ordre de grandeur, de la plus grosse à la plus petite, revêtues de la belle robe de dentelle brodée qu'elles portèrent le jour de leur baptême, traverser l'air pour aller, en bourdonnant gravement, se faire bénir par le pape. Vis-à-vis de l'autre côté de la rivière était la charmante vallée du Trômeur, arrosée par une ancienne divonne ou fontaine sacrée, que le christianisme sanctifia en y rattachant le culte de la Vierge. La chapelle brûla en 1828. Elle ne tarda pas à être rebâtie et l'ancienne statue fut remplacée par une autre, beaucoup plus belle. On vit bien dans cette circonstance la fidélité qui est le fond du caractère breton. La statue neuve, toute blanche et or, trônant sur l'autel avec ses belles coiffes fraîchement en pesée, ne recevait presque pas de prières. Il fallut conserver dans un coin le tronc noir calciné. Tous les hommages allaient à celui-ci. En se tournant vers la Vierge neuve, on eût cru faire une infidélité à la vieille. Saint-Yves était l'objet d'un culte encore plus populaire. Le digne patron des avocats est né dans le mini-i de Tréguier et sa petite église y est entourée d'une grande vénération. Ce défenseur des pauvres, des veuves, des orphelins est devenu dans le pays le grand justicier, le redresseur de tort. En l'adjurant avec certaines formules dans sa mystérieuse chapelle de Saint-Yves de la Vérité, contre un ennemi dont on est victime, en lui disant « Tu étais juste de ton vivant, montre que tu l'es encore. » On est sûr que l'ennemi mourra dans l'année. Tous les délaissés deviennent ses pupilles. À la mort de mon père, ma mère me conduisit à sa chapelle et le constitua mon tuteur. Je ne peux pas dire que le bon Saint-Yves ait merveilleusement géré nos affaires, ni surtout qu'il m'ait donné une remarquable entente de mes intérêts. Mais je lui dois mieux que cela. Il m'a donné contentement, qui passe richesse, et une bonne humeur naturelle qui m'a tenue en joie jusqu'à ce jour. Le mois de mai, où tombait la fête de ce saint excellent, n'était qu'une suite de processions au Minihi. Les paroisses, précédées de leurs croix processionnelles, se rencontraient sur les chemins. On faisait alors embrasser les croix en signe d'alliance. La veille de la fête, le peuple se réunissait le soir dans l'église et, à minuit, le saint étendait le bras pour bénir l'assistance prosternée. Mais s'il y avait dans la foule un seul incrédule qui leva les yeux pour voir si le miracle était réel, le saint, justement blessé de ce soupçon, ne bougeait pas et, par la faute du mécréant, personne n'était béni. Un clergé sérieux, désintéressé, honnête, veillait à la conservation de ses croyances avec assez d'habileté pour ne pas les affaiblir et néanmoins pour ne pas trop s'y compromettre. Ces dignes prêtres ont été mes premiers précepteurs spirituels et je leur dois ce qu'il peut y avoir de bon en moi. Toutes leurs paroles me semblaient des oracles. J'avais un tel respect pour eux que je n'eus jamais un doute sur ce qu'ils me dirent avant l'âge de 16 ans quand je vins à Paris. J'ai eu depuis des maîtres autrement brillants et sagaces. Je n'en ai pas eu de plus vénérables, et voilà ce qui cause souvent des dissidences entre moi et quelques-uns de mes amis. J'ai eu le bonheur de connaître la vertu absolue. Je sais ce que c'est que la foi, et bien que plus tard j'ai reconnu qu'une grande part d'ironie a été cachée par le séducteur suprême dans nos plus saintes illusions, j'ai gardé de ce vieux temps de précieuses expériences. Au fond, je sens que ma vie est toujours gouvernée par une foi que je n'ai plus. La foi a cela de particulier que, disparue, elle agit encore. La grâce survit par l'habitude aux sentiments vivants qu'on en a eus. On continue de faire machinalement ce qu'on faisait d'abord en esprit et en vérité. Après qu'Orphée, ayant perdu son idéal, eût été mise en pièces par les ménades, sa lyre ne savait toujours qu'Eurydice, Eurydice. La règle des mœurs était le point sur lequel ces bons prêtres insistaient le plus, et ils en avaient le droit par leur conduite irréprochable. Leur sermon sur ce sujet me faisait une impression profonde qui a suffi à me rendre chaste durant toute ma jeunesse. Ces prédications avaient quelque chose de solennel qui m'étonnait. Les traits s'en sont empreints si profondément dans mon cerveau que je ne me les rappelle pas sans une sorte de terreur. Tantôt c'était l'exemple de Jonatas, mourant pour avoir mangé un peu de miel, gustans gustavi paulum miedis et ecce morior. Cela me faisait faire des réflexions sans fin. Qu'était-ce que ce peu de miel qui fait mourir? Le prédicateur se gardait de le dire et accentuait son effet par ces mots mystérieux. « Tétiguise périse » dit d'un ton profond et larmoyant. D'autres fois, le texte était ce passage de Jérémie « Mors ascendit per fenestras » qui m'intriguait encore beaucoup plus. Cette mort qui monte par les fenêtres, ces ailes de papillons que l'on souille dès qu'on les touche, qu'est-ce que cela pouvait être? Le prédicateur, en parlant ainsi, avait le front plissé et le regard au ciel. Ce qui mettait le comble à mes préoccupations était un passage de la vie de je ne sais quel saint personnage du XVIIe siècle, lequel comparait les femmes à des armes à feu qui blessent de loin. Pour le coup, je n'en revenais pas. Je faisais les plus folles hypothèses pour imaginer comment une femme peut ressembler à un pistolet. Quoi de plus incohérent ? La femme blesse de loin, et voilà que d'autres fois, on est perdu pour la toucher. C'était à n'y rien comprendre. Pour sortir de ces embarras insolubles, je m'enfonçais dans l'étude avec rage, et je n'y pensais plus. Dans la bouche de personnes en qui j'avais une confiance absolue, ces saintes inepties prenaient une autorité qui me saisissait jusqu'au fond de mon être. Maintenant, avec ma pauvre âme déveloutée de 50 ans, note, j'écrivais ce morceau à Ischia dans l'automne de 1875. Fin de la note. Cette impression dure encore. La comparaison des armes à feu, surtout, me rendait extrêmement réservée. Il m'a fallu des années et presque les approches de la vieillesse pour voir que cela aussi est vanité et que l'ecclésiaste seul fut un sage quand il dit « Va donc, mange ton pain en joie avec la femme que tu as une fois aimée. » Mes idées à cet égard survécurent à mes croyances religieuses et c'est ce qui me préserva de la choquante inconvenance qu'il y aurait eu si l'on avait pu prétendre que j'avais quitté le séminaire pour d'autres raisons que celles de la philologie. L'éternel lieu commun « Où est la femme ?» par lequel les laïcs croient expliquer tous les cas de ce genre est quelque chose de fade qui porte à sourire ceux qui connaissent les choses comme elles sont. Mon enfance s'écoulait dans cette grande école de foi et de respect. La liberté, où tant d'étourdis se trouvent portés du premier bond, fut pour moi une acquisition lente. Je n'arrivais au point d'émancipation que tant de gens atteignent sans aucun effort de réflexion qu'après avoir traversé toute l'exégèse allemande. Il me fallut 6 années de méditation et de travail forcené pour voir que mes maîtres n'étaient pas infaillibles. Le plus grand chagrin de ma vie a été, en entrant dans cette nouvelle voie, de contrister ces maîtres vénérés. Mais j'ai la certitude absolue que j'avais raison et que la peine qu'ils éprouvèrent fut la conséquence de ce qu'il y avait de respectablement borné dans leur manière d'envisager l'univers. Fin de la section 58, lue par Sophie Aveul-Les Roses en décembre 2024.